Deuxième livre des Chroniques, chapitre 32. Après ces choses, et lorsqu'elles furent bien établies, Sanchérib, roi des Assyriens, vint, et entra en Judée, et se campa contre les villes fortes, faisant son compte de les séparer pour les avoir l'une après l'autre. Ézéchias voyant que Sanchérib était venu, et que sa face était tournée contre Jérusalem pour y faire la guerre, il prit conseil avec ses principaux officiers, et ses plus vaillants hommes, de boucher les eaux des fontaines qui étaient hors de la ville, et ils l'aidèrent à le faire. Car un grand peuple s'assembla, et ils bouchèrent toutes les fontaines, et le torrent qui se répandait par le pays, disant, « Pourquoi les rois des Assyriens, trouveraient-ils alors venus une abondance d'eau ?» Il se fortifia aussi, et bâtit toute la muraille où l'on avait fait brèche, et l'éleva jusqu'au tour, et il bâtit une autre muraille par dehors, et répara Milo en la cité de David, et fit faire beaucoup de javelots, et de boucliers. Et il ordonna des capitaines de guerre sur le peuple, et les assembla auprès de lui dans la place de la porte de la ville, et leur parla selon leur cœur, en disant, « Fortifiez-vous, et vous renforcez, ne craignez point, et ne soyez point effrayés à cause du roi des Assyriens, et de toute la multitude qui est avec lui, car un plus puissant que tout ce qui est avec lui, est avec nous. Le bras de la chair est avec lui, mais l'Éternel notre Dieu est avec nous, pour nous aider, et pour conduire nos batailles, et le peuple se rassura sur les paroles d'Ézéchias roi de Juda. Après ces choses Sanchérib roi des Assyriens, étant encore devant Lachish, et ayant avec lui toutes les forces de son royaume, envoya ses serviteurs à Jérusalem, vers Ézéchias roi de Juda, et vers tous les Juifs qui étaient à Jérusalem, pour leur dire, « Ainsi a dit Sanchérib roi des Assyriens, sur quoi vous assurez-vous, que vous demeuriez à Jérusalem pour y être assiégés ? Ézéchias ne vous induit-il pas à vous exposer à la mort par la famine et par la soif, en disant, « L'Éternel notre Dieu nous délivrera de la main du roi des Assyriens ?» Cet Ézéchias n'a-t-il pas ôté les hauts lieux, et les autels de l'Éternel, et n'a-t-il pas commandé à Juda et à Jérusalem, en disant, « Vous vous prosternerez devant un seul autel, et vous ferez fumer sur cet autel vos sacrifices ?» Ne savez-vous pas ce que nous avons fait moi, et mes ancêtres à tous les peuples de divers pays ? Les dieux des nations de divers pays, ont-ils pu en aucune manière délivrer leur pays de ma main ? Qui sont ceux de tous les dieux de ces nations que mes ancêtres ont entièrement détruites, qui aient délivré leur peuple de ma main, pour croire que votre Dieu vous puisse délivrer de ma main ? Maintenant donc qu'Ézéchias ne vous abuse point, et qu'il ne vous séduise plus de cette manière, et ne le croyez pas, car si aucun dieu, de quelque nation, ou de quelque royaume que c'ait été, n'a pu délivrer son peuple de ma main, ni de la main de mes ancêtres, combien moins votre Dieu pourra-t-il vous délivrer de ma main ? Ses serviteurs parlèrent encore contre l'Éternel Dieu, et contre Ézéchias son serviteur. Il écrivit aussi des lettres pour blasphémer l'Éternel, le Dieu d'Israël, et pour parler ainsi contre lui, comme les dieux des nations de divers pays, n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, ainsi le Dieu d'Ézéchias ne pourra point délivrer son peuple de ma main. Ses envoyés crièrent aussi à haute voix en langue judaïque au peuple de Jérusalem qui était sur les murailles, pour leur donner de la crainte et les épouvanter, afin de prendre la ville. Et ils parlèrent du Dieu de Jérusalem, comme des dieux des peuples de la terre, qui ne sont qu'un ouvrage de main d'homme. C'est pourquoi le roi Ézéchias et Ésaïe, le prophète fils d'Amos, prièrent Dieu pour ce sujet, et crièrent vers les cieux. Et l'Éternel envoya un ange, qui extermina entièrement tous les hommes forts et vaillants, et les chefs, et les capitaines qui étaient au camp du roi des Assyriens, de sorte qu'il s'en retourna tout confus en son pays. Et lorsqu'il fut entré dans la maison de son Dieu, ceux qui étaient sortis de ses propres entrailles le tuèrent avec l'épée. Ainsi l'Éternel délivra Ézéchias, et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib roi des Assyriens, et de la main de tous ses peuples, et leur donna le moyen d'aller partout alentour en sûreté. Et plusieurs apportèrent des présents à l'Éternel dans Jérusalem, et des choses exquises à Ézéchias roi de Juda, de sorte qu'après cela il fut élevé, à la vue de toutes les nations. En ces jours-là Ézéchias fut malade jusqu'à la mort, et il pria l'Éternel, qui l'exauça, et lui donna un signe. Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu'il avait reçu, car son cœur fut élevé, c'est pourquoi il y eut indignation contre lui, et contre Juda et Jérusalem. Mais Ézéchias s'humilia de ce qu'il avait élevé son cœur, tant lui que les habitants de Jérusalem, C'est pourquoi l'indignation de l'Éternel ne vint point sur eux durant les jours d'Ézéchia. Ézéchia donc eut de grandes richesses et une grande gloire, et amassa des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, de choses aromatiques, de boucliers, et de toutes sortes de vaisselles précieuses. Et il fit des magasins pour la récolte du froment, du vin, et de l'huile, et des étables pour toutes sortes de bêtes, et des rangées dans les étables. Il se fit aussi des villes, et il acquit des troupeaux du gros, et du menu bétail en abondance, car Dieu lui avait donné de fort grandes richesses. Ézéchia boucha aussi le haut canal des eaux de Guion, et en conduisit les eaux droits en bas vers l'occident de la cité de David. Ainsi Ézéchia prospéra dans tout ce qu'il fit. Mais lorsque les ambassadeurs des princes de Babylone, qui avaient envoyé vers lui, pour s'informer du miracle, qui était arrivé sur la terre, furent venus vers lui, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était en son cœur. Le reste des actions d'Ézéchia, et ses gratuités, voilà elles sont écrites dans la vision d'Ésaïe le prophète fils d'Amo, outre ce qui en est écrit au livre des rois de Juda et d'Israël. Puis Ézéchia s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit au plus haut des sépulcres des fils de David, et tout Juda, et Jérusalem lui firent honneur en sa mort, et Manassé son fils régna en sa place.